Rasta Coco, Rasta Coco, il n'est pas dans la place. Allez, Rasta Coco, c'est parti. Rasta Coco, non dans la place. Thank you.

Africa, Africa, I am mine. Nothing enough. Africa, I am mine. Thank you.

Hey.

Seigneur le batteur. Butter,